mange pas trop présente. Ouais, Fredbourg. Comment vous pouvez ce jeu sur 5% une telle gauche par le feu, c'est un beau jeu à l'épaule. C'est moi. Just for le tarot. Ça va être la guerre dans la casa. On va te faire une putain de révolution. Je te tire ta tue et tu chires dans le son. On va demander à l'intérieur. Il nous faut agir de l'œil de l'eau. On lance une apparence. Est-ce qu'on vous déborde? On va se faire un peu la mort. Allez-vous tous sous la bannière révolutionnaire. Les crevons de cette intelligence sanguinaire. Juste en votre nom, les talons. Moi, ça me fout les glaces. Dans le monde, il y a la volée. Quand tu peux faire dans le vitreux. Est-ce que tu crois sous la merde à la centrale? Fils des enculés, moi, je les baigne. Et la police, et la justice, tous à l'arrêt, je vous pisse. Je me tous à la rue, en belle machinette. Même le soir, tout est à respecter. Tout est munition de bras, mais la lettre, il voulait. Ouais, Testicor, c'est un raconte rebelle. Va te foutre à la poubelle. Et faire ta putain de planète. Autre chose qu'un nid à connaître. Booba, Booba, le petit ourson. Et nique sa mère, la réinsertion.